as raízes são africanas mesmo, completamente. Então uniu as duas coisas. C'est Radio Holiday. C'est au Recycla et sur le 105.4 FM. C'est chaque jeudi de 21h à 22h. On est en vacances, on va se détendre. Pour prendre du plaisir. Merde. Il n'y a pas une deuxième chance, hein, c'est du direct. Hein. Troisième du nom en cet été 2012. Aujourd'hui, on va essayer d'être encore plus efficace que jamais. Une heure, déjà moins 55 minutes de live, live and direct sur le 105.4 FM Radio Panique. Avec aujourd'hui autour de la table Mister Tortoli, Wahoo, Mademoiselle Bonsoir. Tamara, Seigneur Hubert, oh yeah. Todobom. Et Mister Damien à la technique. Alors rapidement quelques mots clés pour cette émission d'aujourd'hui. On va parler scratch, on va parler bière, on va parler crack, on va parler beach. On va parler beach. Quoi encore on jogging, va par- on va parler météo. Sauna, cassette, finders keepers. Plagiste, météo. Jogging des marolles. Tube de l'été. Et donc bon ben vous avez pas l'air très chaud mais j'espère que vous allez bientôt l'être hein. Donc moi je fais juste le MC, je maîtrise le temps, mais ceux qui s'occupent du spectacle, eh bien c'est Tortoli, Tamara et Hubert. Je pense qu'on peut commencer oh yeah. direct vu qu'on a déjà perdu 5 minutes. Tortoli, c'est parti, don't scratch it. C'est parti, don't scratch it. Radio Days. Don't scratch it. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous voulez mon avis, il s'agit d'une bande organisée. Mais c'est une affaire très pointue, je t'assure. Don't scratch. Et voilà, donc c'est la chronique Don't Scratch It. On est en compagnie des deux zigotos qui ont animé cette pré-soirée de 19h à 21h. Don't Scratch It, la chronique où des collectionneurs viennent présenter leur vinyle. On est avec monsieur à ma gauche, comment t'appelez-vous? Je suis Rob, et c'est raciste. Ouais. Rob est raciste. Et raciste, pardon. Raciste, c'est raciste. Excusez-moi, c'est bon. Alors messieurs, quelques petites questions DJ, puisqu'on a cru comprendre que vous n'étiez pas exclusivement des collectionneurs, mais également des DJ. Oui. Oui. C'est-à-dire, il y avait... Au niveau de votre set, comment vous l'avez construit? Qu'est-ce qui s'est organisé autour de ça? Moi, c'est notre but de chercher du patrimonisme de flamand. On parle bien le flamand. Puisque vous êtes flamand, oui. Oui, c'est... Comment on peut dire ça? Il y a une sorte de zé dans mon coupe téléphone. Ah, tu as une vague dans l'oreille? Oui, c'est... C'est normal. Étrange. Alors vous présentez une musique très exotique, vous pouvez dire de quelle région vient cette musique, parce que c'est pour nous c'est de la musique très exotique. De quelle époque, de quelle époque spatio-temporelle? De quelle époque? Moi je suis né à Louvain et je ne sais pas que tu connais Paul Severs, c'est le frère de ma mère, et il est mon D'accord. oncle, et ah c'est ouais. par ça que j'ai introduit aux musiques flamandes. Au monde exotique des musiques flamandes. On salue ta mère d'ailleurs en passant. Ouais. Un petit bisou. Bah, c'est la musique qui vient du ventre du société flamande. Ah, le ventre, carrément. Du ventre, carrément, oui. Et vous, en tant que collectionneur, comment est-ce que vous les avez récupérés? C'est du piratage? C'est du... Vous les avez vraiment achetés? À qui vous les avez piqués? À qui? À qui vous avez volé tous les disques? Beaucoup de questions ici, hein. Alors, ouais, c'est vrai. Donc ça vient du On vole tous les records qu'on joue. Donc on vient au supermarché là, ou c'est pas, et on vole tous les records qu'on joue. Oui. Ce qui est très important pour nous, que rien n'est acheté, tout est volé. D'accord, c'est une philosophie. C'est comme au Deleuze, quoi. C'est un peu ça. Quoi? C'est comme au Deleuze, au supermarché. Ah, supermarché. Supermarché. Ah, oui. Et où sont les meilleurs endroits pour voler des disques? Ah, les meilleurs endroits, ce sont des autres DJ. oui. Aussi des collectionneurs, parce qu'ils sont très inattentifs. Un petit peu plus près du micro. Ok. N'hésite pas, voilà, c'est très bien. Je t'ai coupé peut-être, non? Et alors, dans quels endroits vous jouez cette musique exotique? Exclusivement en Flandre, ou vous avez une tournée mondiale prévue? Non, c'est mondial, oui. La prochaine date, on revient de Brésil, ouais. Quelques minutes. Un beau bronzage d'ailleurs. Ouais. C'est partout au monde. C'est la première fois en Bruxelles, là, la deuxième fois. L'autre fois, c'était avec Tim Blux. Et vous avez été Vous avez été approché par des producteurs pour vous reproduire à Bruxelles. Oui, c'est incroyable. Reproduire dans le sens musical. Mais c'est parce que la musique flamande, ça touche, et tout le monde veut entendre ça. Donc. Voilà, et est-ce qu'il est prévu d'avoir des sous-titres pour les chansons? Oui, mais on est très très mauvais en français. Tu peux l'entendre quand je parle? Non, ça va. Ça va? Ouais. Alors attention, il vous reste 30 secondes pour clôturer cette interview. Dernière question, la question à 100 sous. Allez, Tortoli, Huberto, c'est parti. Est-ce que tu avais un petit mot sur Tim Blux que vous avez évoqué depuis quelques temps? Tim Blux? Oui. C'est l'initiateur du projet, vous le connaissiez avant. Don't Scratch It, c'est grâce à lui que vous êtes venu ici ce soir. Oh, il est venu, il a demandé, et on a dit, ah bon, alors on va le faire. Hein. Du harcèlement, en somme. C'est un petit crowd pour nous. Hein. Normalement, c'est pour 50 000 personnes. J'imagine. Maintenant, c'est... Ouais. C'est plaisant, mais ok. Eh bien, merci les gars, on vous retrouve la prochaine fois, j'ai l'impression, dans un grand stade, forcément. Ouais. Oui. Vu ce que vous nous avez dit. Et à très bientôt, on va passer à la chronique météo. Météo. Prévision météo. Les températures. Un grand soleil donc sur toute la métropole. Et maintenant, on ménage le suspense pour rien. -23 degrés. Bon, jeudi alors, ça grimpe encore? Alors aujourd'hui, météo un peu spécial puisqu'on a un spécial guest. Alors je vais vous faire un point météo en 60 secondes, top chrono Tortoli, c'est parti. Alors on le sait, l'été est définitivement complètement pourri, là on est sûr. Alors rapidement, aujourd'hui il y a des nuages, de la pluie et une légère bruine qui nous caresse le corps. Entre 11 et 16 degrés, environ 22 km/h de vent de sud-ouest, donc relativement chaud. Une humidité de 88% et avec un taux de précipitation de 100%. Demain, ce sera un peu la même chose. 10 degrés, 19 degrés maximum. 12 km/h au niveau du vent, 76% d'humidité et environ 100% de précipitation, toujours et encore, mais ça va changer ce week-end. Puisqu'on annonce un grand soleil avec des températures entre 9 et 20 degrés, avant de nord-nord-est un peu plus froid, donc 12 km/h au niveau de la vitesse, 65% d'humidité. Et quand même, on se demande pourquoi 88% de risque de précipitation alors qu'un grand soleil est prévu. Mais par contre, dimanche, c'est la méga classe, 0% de précipitation prévue avec juste 6 km/h de vent, nord-nord-est, 13-23 degrés. Et maintenant, puisque l'été est pourri, voici mon spécial guest Damien qui va nous expliquer comment rater ses propres vacances. Damien, c'est à toi. Merci. Et oui, comment réussir ses vacances? Vous avez certainement pu, comme moi, apercevoir ce titre dans la presse. Faisant suite à ce titre, on découvre toujours un article dont le contenu, autant inutile que commercial, évoque surtout une forêt de marronniers. C'était les marronniers. Oui, c'est la meilleure, ça. Ah bon? Alors, contestateur dans l'âme, voire un peu révolté sur tous les lundis matins, j'ai décidé de vous offrir une méthode pour vous faire rater vos vacances. Ça peut toujours servir. Bien sûr, ce mode d'emploi des vacances ratées est incomplet et gardez à l'esprit que l'on ne peut pas tout rater, ou en tout cas pas du premier coup. Il faut de la patience et de la détermination. Alors, location, location, location, comme disent les Américains. Ne vous imaginez pas qu'il suffit simplement de prendre des vacances en banlieue pour que l'affaire soit dans le sac. Méfiez-vous, on y trouve souvent plus d'humanité et de rage de vivre qu'ailleurs. Non, le meilleur endroit, enfin le pire, c'est un endroit familier dans lequel vous passez déjà tout votre temps, histoire de ne pas vous déshabituer de l'aliénation quotidienne. La pluie aide bien sûr, ce qui nous amène par ailleurs au point suivant. Le temps. Notez que si vous habitez ce plat pays qui est le mien, mais qui est également fort humide, vous économiserez des frais de déplacement considérables. Enfin, ça c'est uniquement si vous avez vraiment l'intention de rater vos vacances. Pensez-y, la pluie est une pièce maîtresse pour rater ses vacances. Personnellement, je préfère le crachin, constant et légèrement en biais, qui vous trempe invariablement jusqu'à l'os. Mais certains esprits chagrins arrivent toujours à perturber cette atmosphère délicieusement froide et humide, à coups de jeux de société et autres niaiseries conviviales au coin du feu. En passant, et je dis surtout cela pour les téméraires dépressifs, la pluie n'est qu'un facteur. Ajoutez-y un bon 30 degrés et 100% d'humidité et vous obtenez une cause de folie reconnue. Imaginez le film Shining avec pour décor une forêt tropicale. Et là, on en arrive au plus important, la compagnie. Enfin, il s'agit peut-être du point le plus important. La compagnie mal choisie, et ce malgré un temps pourri, dans le pire bled au monde, pourrait vous faire passer des moments délicieux, pourrait vous laisser avec des souvenirs inoubliables, ce qui serait regrettable, avouons-le. Ne pensez même pas à partir seul. Rappelez-vous que l'on ne s'ennuie vraiment qu'à plusieurs, et donc à au moins deux. En effet, lorsqu'on parle de compagnie, on pense immédiatement à celle du genre humain. Alors que du moustique à l'ours polaire, le monde animal offre des choix intéressants. Imaginez les sensations que peuvent procurer une rencontre inopinée avec un ours de 450 kg plein de poils et de dents, ou encore une marée de crabes rouges. Avouez que cela vous changerait des balades en amoureux, où l'on finit toujours par se laisser aller à des stéréotypes romantiques aussi déplorables que surfaits. Pour finir, mais j'hésite à le mentionner tant cette idée me paraît extrême, voilà, je vais quand même le mentionner. L'idée est d'inviter belle-maman. Expliquez-lui que tout est parti d'un malentendu et que des vacances ensemble permettront de renouer des liens, voire de se découvrir des passions mutuelles. Vous pourrez ainsi faire d'une pierre deux coups. Elle sera enchantée et vos vacances seront pourries. Pour les plus décidés d'entre vous, n'hésitez pas à n'inviter qu'elle. C'était les Chroniques du Flou, nous sommes en direct du Recyclard. Vous écoutez Radio Holiday sur Radio Panique. Bonnes vacances. Yeah! Alors, bravo Damien qui fait quand même la technique et la météo en même temps. J'espère que vous avez tous bien suivi, mais vous avez l'air quand même hyper froid. Hein. Enfin, je dis ça comme ça, mais vous avez pas l'air très chaud. Il n'y a aucune réaction en plus, c'est un peu le beat total. Alors, on poursuit, on va parler de grosses binouzes avec Tamara, qui va nous faire une super chronique de bière. Mais ce serait bien que vous réagissiez un peu là. Putain, vous êtes chaud ou quoi, bordel ? Raison. Relaxation maintenant. Détendez-vous. Moyen quand même. Inspirez et soufflez. Lâchez. Sentez-vous bien. Lâchez. Montez les bras. Étirez-vous très très très très très très très très loin. Descendez les épaules. Lâchez. Et lâchez les bras. Lâchez la tête. Et lâchez le buste. Lâchez. Lâchez. Respirez. Montez tout doucement avec le dos rond. Lâchez, très très très très rond, montez doucement, lâchez, montez, lâchez, lâchez, montez, lâchez. Remontez les bras au-dessus de la tête, lâchez, le clignot. Élevez les angoisses tendues au-dessus de la tête. Lâchez, marquer un léger temps d'arrêt et ramener la vie à son point de départ. Sentez-vous bien. Lâchez. Lâchez. Lâchez. C'est chaque jeudi de 21h à 22h. Ok, Mrs. Tamara, de quoi vas-tu nous parler today? C'est parti ou c'est pas parti? C'est parti, apparemment. C'est pas de la petite bière. Déjà, c'est pas de la petite bière. Mercredi dernier, faisant halte place du jeu de balle, je sirote un café serré. Adossé et au bière couleur installé à l'extérieur, je garde les oreilles bien ouvertes. Et j'écoute la conversation d'un tenancier. Il dialogue avec un habitué, cause des désagréments du concert de Manu Chao, bien entendu. À cette heure-là, les brocanteurs finissent de ranger leurs marchandises et le soundcheck a déjà démarré dans une décibelle de volume pendant que un ballet de livraison s'enchaîne. Je m'insère dans la discussion et me voilà conviée à un petit cours d'économie de la mousse. La société Alkenmaas, rivale d'InBev que tout le monde connaît, sont évidemment en concurrence. Et tout au long de l'année, elles se font évidemment la compétition. Et bien entendu, lors de cet événement de ce tonneau, elles se partagent chacune à leur tour le gâteau. Ce coup-ci, Alkenmaas ne perd rien de sa mise comme sponsor. Il bénéficie d'un monopole incontesté pour écouler quantité d'hectolitres dans un espace ceinturé. La place est fermée, vous aviez pu vous en rendre compte. Les débits de boissons alentour satisferont tant que faire se peut. Il y a Miguel Arsène. Les besoins des spectateurs restés en marge. Et au bout du compte, les sociétés brassicoles, elles font recette sur tous les tableaux, bien entendu. 11 000 spectateurs, rien que pour Manu Chao, à 33 euros le ticket. Non, mais vous imaginez pas le bénéfice. Et à n'en pas douter, l'opération de City Marketing, orchestrée par la ville de Bruxelles avec l'argent du contribuable, et ainsi que le Bruxelles Summer Festival, vont reconduire l'opération, c'est sûr. Et évidemment, deux concerts de suite, ça ne pouvait pas rester inaperçu pour de nombreux habitants et de nombreux cafetiers. Un grain de sel s'est donc glissé dans la mécanique. Et ils ont, ces habitants et ces cafetiers, affiché et distribué des tracts. Des tracts contestants, exprimant un désaccord sur ce dispositif payant. Contesté in situ, le Bruxelles Summer Festival ordonna, ouvrez les guillemets, au service d'ordre et à la police, 80 000 euros quand même pour deux jours, de confisquer les tracts, d'arracher les affiches et de menacer d'arrêter Manu Militari, vous entendez bien, pour un concert de Manu Chao, d'arrêter Manu Militari, ceux qui diffusaient ces tracts contestataires. Fermez les guillemets. Et tout cela est extrait du blog bruxelles-capital.org. Vous pouvez aller lire les désaccords, c'est assez instructif. Et donc, vraisemblablement, la critique fit mouche et le Bruxelles Summer Festival écume toujours. Le vernis de l'animation estivale est écorné et l'avidité pécuniaire est démasquée. Et finalement, dans ce jeu de gros sous, si le Bruxelles Summer Festival s'est fait mousser, Manu Chao s'est bel et bien fait mise en bière. Salut ! Voilà, dans ce bon vieux salon. Donnez-moi vite mon verre de bière. Pour moi et mon cheval. La fraise, je l'ai la faire quand je bois de la bière. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. pour conclure, comment nommer cette opération de clôturer un lieu public habituellement réservé au marché aux puces, d'y favoriser un concert payant et donc d'occuper la place uniquement dans un but commercial contraignant toutes les autres pratiques du lieu? On parle de privatisation de l'espace public. Et en conséquence, pénétrer l'enceinte se paie le prix fort, 30 euros tout de même. Et combiné à la capacité limitée de la place, 6000 spectateurs par soir, ce coût fabrique l'exclusivité. J'ai vu Manu Chao, place du jeu de balle. Nécessité faisant foi, se met en place le contrôle de l'accès, 80 000 euros pour les policiers, et la répression de toute critique relative à la création artificielle de la richesse. Bien sûr, illusion fallacieuse, puisque les clôtures, elles, sont perméables à la musique jouée en plein air. CQFD, la musique de Manu Chao ne fut pas destinée à animer nos pluvieuses soirées d'été, mais bien calculée comme un retour sur investissement pour InBev, pour Alkenmaas et pour le Bruxelles Summer Festival. Et donc tous les organisateurs, la ville de Bruxelles a une belle carte de visite. C'est un gros débit pour la société brassicole. Et bien sûr, le Bruxelles Summer Festival, lui, ne connaît pas la crise, assurément. Bon, alors là, on est quand même hyper en retard, donc il va quand même falloir se dépêcher et c'est l'occasion de courir. On va parler du jogging des Marolles, Mister Tortelli. Alors, toujours en remerciant Tamara pour cette chronique. Oui, merci hier. Tamara. Merci, bravo. Alors, figurez-vous que à 19h30 était donné le départ international du jogging des Marolles. Et que nous sommes en compagnie du grand gagnant, d'un des protagonistes. Cher monsieur, veuillez vous présenter. Identité. Identité, belge. Moi je suis Bram, j'habite à Saint-Gilles. Et c'est la deuxième fois que je participe au jogging des Marolles. Voilà. J'ai cru entendre que tu avais été second l'année passée. Oui. Et que tu es premier cette année-ci. Oui. Alors d'où vient cette augmentation de performance? Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui voudraient se lancer dans le jogging? Oui, en fait c'est un peu drôle parce que le gagnant de l'année passée, c'est mon colocataire. Il est malade à la maison. Là moi je sens de la corruption là. Oui, oui. On est dopé de même façon quoi. Et alors au niveau des produits dopants, tu conseilles quoi? Le sucre, le dextro energy en fait. Dextro energy. Oui. Ouais. Est-ce que comme les coureurs du Tour de France, tu as fait appel aux clous? Tu as mis des clous sur la route pour ralentir tes concurrents? Non pas vraiment. Mon stratégie c'était pour les deux tours, parce qu'en total il y avait quatre tours. De voir un peu le niveau des autres participants. Et la troisième tour, j'ai placé une petite bombe, disons. Une petite bombe? Oui. Une petite bombe de quel type? De artisanal? Une petite bombe simplement avec les jambes. Donc, d'accord. Voilà. Et je voyais qu'il y avait encore un participant chez moi. Donc. Tu peux nous parler des raccourcis que tu as pris au quatrième tour? En fait, au quatrième tour, quelqu'un m'a dépassé. Ici, à l'autre côté du station Chapelle, Église Chapelle, comment ça s'appelle ici. Et là, j'avais du mal. J'avais vraiment du mal parce que l'autre coureur, il était en forme. Et je me disais, c'est maintenant que je dois rester avec lui. Je m'ai mis dans son comment dire, dans ses pattes, oui, dans ses pattes, voilà. Tu lui as sucé la roue, tu lui as sucé la roue, voilà. Comme on dit autour de France, ça. Sucé la roue. D'accord, j'apprends encore quelque chose ici. Et en fait, les dernières 50 mètres, j'ai fait mon accélération fulgurante, la vraie bombe, la deuxième, plusieurs bombes. Voilà. Donc et voilà, avec le résultat qu'on connaît. Bon, on te remercie, Bram. Tu es donc champion de jogging des Marolles, mais également champion d'aérophagie, ce que j'ai cru comprendre, avec l'utilisation de tes multiples bombes. Oui, merci. Merci beaucoup. Encore un grand merci. Allez. À vous. Et bravo. Bravo. On peut l'applaudir. Jingle. Blanc, il y y a un blanc. Maintenant, là, tout de suite, sur le 105.4 FM, qu'est pas ça? Non, c'est à vous, jeune MC. Jeune MC en herbe, hein, on va dire. Alors, maintenant, c'est l'heure du blind tube test. Alors, il faut que vous soyez toutoui parce que c'est un blind tube test très difficile. Le blind tube test, le concept, c'est qu'on vous fait écouter un morceau. Et la première personne qui a découvert quel est ce morceau typique d'un été en particulier, eh bien, il vient parmi nous sur le plateau. Aujourd'hui, c'est un morceau un peu difficile qui est dirigé, attention, vous nous importunez, que tous ceux qui ont plus de 35 ans maintenant aient leurs oreilles ouvertes et que tous les baby ravers des années 90 rentrent chez eux aient leurs oreilles ouvertes, puisque ce morceau est bel et bien dirigé à eux. C'est parti, Mr. Tortoli, let it go. Pas easy, hein. Allez, danse. Bon, c'est un morceau de 1988. Monsieur. Alors, il y aurait quelqu'un qui aurait trouvé la bonne réponse. Monsieur Grand Frisé. Alors, on a un gagnant ici, il a presque trouvé la réponse. Alors, tu penses que c'est quoi comme morceau? Good Life de Inner City, non? Alors, il pense que c'est Good Life de Inner City. Alors, c'est presque ça, mais c'est Big Fun de Inner City. Mais alors, bravo, reste parmi nous. Comment est-ce que tu connais Inner City? C'est ma jeunesse. C'est ta jeunesse? Les compilations Dance Machine. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, ce genre d'atmosphère années 90? Ma jeunesse. T'aimes bien? Ouais, c'est bien. Bah, alors, pourquoi j'ai choisi ce morceau? Parce que parce qu'il est bien. Tu peux en mettre un peu plus de son. Ça date de 1988. Moi, personnellement, j'avais 9 ans, donc j'étais trop jeune. Ah, t'es pas toute jeune, en fait. Hein. J'étais trop jeune pour savourer ces premiers pas du dance floor et du début de toute la scène dance, technoïde, etc. Et toi, tu te souviens d'avoir dansé là-dessus? Ah non, juste écouter. Ok, alors ce morceau d'Inner City de 1988, c'est l'un des morceaux pionniers de toute cette époque dance qui nous a tous traumatisés. Moi, j'avoue que j'aurais peut-être aimé naître 10 ans plus tôt pour pouvoir en profiter et m'animer sur le dance floor. Et voilà, en gros, c'était un clin d'œil au Summer of Love de 1989. Je propose qu'on lance le morceau et qu'on danse. Et merci, monsieur le winner. Cher monsieur, vous pouvez danser avec mademoiselle. Danseuses avec nous, on mérite quand même de leur demander comment elles s'appellent. Comment tu t'appelles? Maïlys. Et toi, comment tu t'appelles? Violetta. Et ben, en tout cas, je dois dire qu'elles sont vachement plus funky que vous tous autour de nous. Alors on les applaudit bien fort. On va passer directement à la rubrique suivante. C'est la rubrique Holidays Night Fever. On va vous expliquer en long, en large et en travers comment attacher une bâche, mais surtout comment passer un bon week-end. Radio Panique présent. Holidays Night Fever. Holidays Night Fever. sens la moutarde qui me monte. Je sens la moutarde qui me monte, je te raconte pas la moutarde. Alors, c'est l'heure des recycleurs Friday Night Fever. Et non pas Saturday Night Fever, mais ça commence en fait aujourd'hui, Thursday Night Fever, c'est Hubert qui va nous présenter le film qu'on va écouter, qu'on va regarder dans une bonne quinzaine de minutes. Hubert, c'est à toi. Ouais, alors le film ce soir parle d'une chanteuse, d'une jeune femme qui s'appelle Bikki Doudé, une jeune femme qui est née dans les années 10, mais les années 10 du siècle passé. Elle a pratiquement 100 ans et cette dame vient de Zanzibar qui est assez connue puisque y a un bateau qui a coulé il n'y a pas très longtemps à Zanzibar, donc vous pouvez situer maintenant où c'est grâce à ce bateau qui a coulé. C'est l'avalanche de la bâche de Radio Panique. Ça fait marrer. Ouais. C'est la tormenta totale. Alors, il y a un mot-clé qui manquait dans ta présentation, c'est éducation sexuelle, puisque Bikki Doudé est spécialisée dans les musiques rituelles d'initiation des adolescentes, comment faire plaisir à son mari. C'est alors, toi, en écoutant la musique de Bikki Doudé, écoutez ça bien. Comment faire plaisir à son mari. Écoutez ça bien. Moi, je sais pas encore comment faire. Et vous m'en direz des nouvelles si vous avez appris quelque chose à propos de comment faire plaisir à son mari. Elle est spécialisée, c'est un rituel avec des rythmes particuliers. On écoute un peu Bikki Doudé qui nous initie à la sexualité de Zanzibar. La bandari ukati ananga ni bahati yangu siya mtisha mbama murada ya uyuni kiabadi zingi barhuri ya. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous en savez un petit peu plus? Ça a l'air assez sympa. Pour moi, Bikki Doudé, ça a toujours été un peu la Nina Simone de Zanzibar avec cette espèce de voix. D'accord. Un peu, il lui manque plus qu'un cigare. Enfin, je sais pas, elle a un côté, c'est un peu la jazz woman de Zanzibar, dirait-on, non? Ouais. Me trompe-je? On va en savoir un petit peu plus puisque j'ai pu rencontrer quelqu'un qui l'a rencontré en vrai et qui a vu le film et qui va vous expliquer. Et vous allez voir cette jeune femme de plus ou moins 100 ans est encore très à la page et encore très attiré par les jeunes hommes. Écoutez ça. Donc c'est une dame assez incroyable qui a, je sais pas si elle est toujours vivante, mais en tout cas quand elle est venue au Sangor, elle avait 96 ans. C'était il y a 5-6 ans. Donc c'est une dame qui est une des dernières chanteuses du tarab traditionnel de Zanzibar, qui est une espèce de mélange entre la musique arabe, puisque Zanzibar était occupé, je crois, par le sultanat du Yémen, si je me souviens bien. Donc ils ont amené leur musique et il y a eu une espèce de rencontre entre la musique traditionnelle arabe, la musique swahili, donc musique africaine, avec une espèce de langueur indienne aussi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est vraiment une des dernières représentantes de ce style que je trouve superbe. Et ce film raconte un peu son histoire. À côté de ce genre de chansons, elle fait aussi des chansons de trance comme ça qui sont beaucoup plus populaires. Le film s'attarde un peu là-dessus. Et voilà, donc c'est une femme très attachante qui m'a fort attaché aussi, puisque après le concert, elle m'a serré le poignet, elle voulait plus me lâcher. Et son manager m'a dit qu'elle venait de me dire en swahili que je serais son prochain mari. C'est pas mal. Voilà. Et sinon, oui, aussi une autre anecdote, elle a fait un set relativement court, elle a chanté peut-être une heure de chansons. Et son manager me disait que, en fait, elle a chanté dans sa vie des centaines et des centaines de chansons différentes, mais maintenant, elle ne s'en rappelait plus que d'une dizaine. Ah bah ouais. Pas moyen de lui faire chanter d'autres chansons que ça. Mais ouais. Ok, voilà, donc c'était... on remercie Thierry Noville de l'Espace Sangor, qui a rencontré Bikki Doudé, puisqu'il l'a fait jouer au Sangor, et qui est le futur mari, comme vous avez pu l'entendre, de Bikki Doudé. Ça c'est pour 22h le film avec Bikki Doudé. Après ça on aura Magabo qui est un américain

Bah, on le voit, ça on se voit. Le voit. Effectivement. Et l'odeur, et l'odeur. Je sais pas, bon, quoi. Enfin, moi, l'eucalyptus, tu veux dire. C'est de la radio, mais je te sens quand même. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu restes notre invité. Hein. Ah, c'est cool. Donc, ils ont tout à fait démonté leur, l'intérieur de leur petit Opel Combo, qui est un véhicule utilitaire, donc. Combo. Et ils ont mis un petit bras zéro dedans, qui est alimenté par le dessous de la voiture. Et puis, tu, bah, comme dans un vrai sauna, il y a un mélange de flotte et d'eucalyptus. Donc, tu mets des louches de flotte sur les braises. Ça chauffe un maximum. Moi, j'ai tenu 20 minutes. Est-ce qu'il faut se déshabiller pour entrer? Ah oui, moi j'étais tout nu mais en maillot quand même, donc je D'accord. me suis oui, et donc je suis rentré en maillot, je suis sorti en maillot et ensuite il y a une petite piscine d'eau froide pour la faire vraiment à la suédoise, donc la petite barrique d'eau glacée juste après, histoire de bien fouetter le sang et après ben c'est parti pour toute la nuit quoi. Est-ce que tu sens que tu as perdu quelques grammes? Ah ouais, là je me sentais un peu fat en rentrant, et maintenant je dois dire, je suis un nouvel homme. Ouais. Candidate. Donc tu as perdu quelques grammes, mais quid de tes neurones? Non, là ça va, ça calcule pas mal, je te remercie. C'est vachement sympa comme animateur. Je suis là, je serai toujours là pour toi. C'est juste pour savoir si ça affecte un petit peu le cerveau ou pas du tout. Ah bah ça. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Non, ça bonifie. Ça bonifie. Non, là, tu perds de la graisse, mais tes neurones y gagnent encore. Est-ce que tu penses que ça permet encore. Est-ce que tu penses que ça permet de boire encore plus de bière après? Eh bien, tout à fait, Charlotte. C'est exactement ce que je me disais. D'ailleurs, j'ai bu une bonne petite Carlsberg avant, et donc je l'ai complètement éliminée. Et maintenant, bien, ben, je vais pouvoir en boire deux. Tu as l'air complètement ensoleillé, tu as l'air dans une forme incroyable. Ah oui, ça retape, ça vous refait un homme, hein, vraiment. Vraiment. Alors. Une forme olympique. Voilà, donc c'était une belle initiative. CO2 positif. Et c'est tout. Et rappelons que c'est gratuit et que les gens qui sont ici devant nous, comme les gens qui seront là demain, peuvent s'y rendre dans cette fameuse Opel. Et c'est un sauna à votre disposition, un sauna original. Tout à fait, à poil tout le monde et on y va. Allez, voilà. C'est beau. Toujours dans cette rubrique Holidays Night Fever, notre amie Charlotte va nous parler un petit peu de Finders Keepers. C'est oui, la soirée qui aura lieu demain. Alors tout d'abord, je lance un appel parce que bon, aujourd'hui tous les invités nous font bon. Donc s'il y a un dénommé Vanak dans l'audience, qu'il puisse venir près de nous. Vanak, est-il dans le coin? Qu'il vienne. S'il est dans le coin, qu'il vienne. Ou qu'il se taise à jamais. Alors demain, soirée Finders Keepers. Hein, vous pouvez savourer les flyers. Ah bah là, il savoure. Un peu partout. Il savoure. Alors c'est organisé par DJ Sofa et Shefford, deux grands personnages de la scène bruxelloise underground du moment. Tous ces mots demain, me font alors, vomir. Il y aura un premier concert qui s'appelle T-Walk, un anglais un peu basse, etc. Ça va être très bien en plein air. On a un petit peu de son en d'ailleurs. Fait, je retranscris. Oui, on va passer un petit son d'abord pour se mettre dans l'ambiance. T-Walk. maintenant moi. Donc voilà, ça c'était T-Walk avec le titre Ricardo Rolaid. Enfin, excusez mon anglais, j'ai pas été assez souvent. Toujours est-il que ça se passera demain, ici même au Recycla. Il vous en coûtera 5€, c'est à partir de 23h jusqu'à 5h du mat. Que dire de plus ? J'ai quelques infos quand même sur le line-up. Il y a quand même, je pense que la tête d'affiche demain, c'est pas Andy Vautel. Hein. Andy Vautel que certains connaissent, le monsieur du label Finders Keeper, Old School, Psyché, Vinyl, etc. Mais je pense que la grosse tête d'affiche, la grosse surprise demain, ce sera Chrome Brûlé. Ah. Chrome Brûlé, c'est 7 gars qui projettent en fait de faire la musique des années 80 comme ils aimeraient qu'elle aurait été. Donc en gros, c'est la musique des années 80 mais faite en 2012 avec des cassettes, des synthés. Et ils sont à 7 et je pense que ce sera assez spectaculaire. Ils sont 7, ah ouais. Ouais, ouais, ça d'accord. Va être du grand show. Et on aime bien, ce sera leur... ils ont déjà fait une performance une fois, mais ce sera vraiment demain que ce sera leur première performance live. Et en plus, c'est un pur produit belge. Donc Chrome Brûlé, en plus, c'est un nom magnifique. Il y aura aussi Back and Force du label Unrest et l'incontournable DJ Sofa que tout le monde connaît puisqu'il est... Tout le monde a un sofa chez lui. Voilà, tout le monde a un sofa chez lui. Il a plus ou moins mille et une facettes. C'est le DJ kaleidoscopique de Bruxelles. Le donc fameux. Voilà, ce sera demain soir. Soirée Finders Keeper, plein de bonnes choses. Be Music Night. Ici au Recyclard, si vous avez encore envie de revenir demain, ça va être bien. Hein. On reviendra. Le contrat l'oblige. Toujours est-il qu'on va passer au plagiste de la semaine. Le plagiste de la semaine, on va devoir lancer alors, un petit le plagiste de la semaine, je crois que c'est une femme aujourd'hui. Tamara, je te laisse la présenter. On va d'abord passer un petit jingle avant. Histoire de je vais tellement vite. Je pense que vous exercez un métier bien agréable. Mais ne croyez pas qu'il n'y ait pas d'ennui lorsqu'on est entrepreneur de bain de mer à la lame, figurez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est notre métier, nous plagistes. Vous êtes une entrepreneuse de bain de mer à la lame. Oui. C'est charmant. Ça fait plus officiel quand même. C'est joli. Ça fait moins vacances. Et alors, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile ? On met des clients par terre, on arrange des fleurs. Vous croyez cela ? Bien sûr. C'est l'opinion qu'ont beaucoup de personnes qui viennent au mois d'août, en vacances, au mois de juillet. Mais commençant à ouvrir une plage au mois de mars, parfois nous avons des ennuis terribles, inimaginables. Inimaginables. C'est donc l'élection du plagiste de la semaine. Nous avons trouvé quelqu'un. Chaque semaine, nous élisons un plagiste. Il se trouve que c'est le plagiste de la semaine. Et nous avons donc quelques questions à lui poser. Il a été retenu pour des critères à la fois physiques, psychologiques. Et que dire ? Aidez-moi. Physique, psychologique, spirituel, musculaire, vestimentaire. Symbolique, surtout symbolique. Épidermique aussi. Et puis patriotique parce que... Et l'odeur. Et l'odeur. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça mange pas de pain, l'odeur, surtout en cette veille de fête nationale. Enfin, presque veille fête nationale. Alors nous avons quelques questions à lui poser, ça va aller du tac au tac, c'est normal. Alors, le grand Jojo ou Arnaud ? Le grand Jojo, on va dire. Servez-vous. Mets bien ton micro devant la bouche. Ça marche, le grand Jojo. Voilà, alors mitraillette ou boudin blanc ? Mitraillette. Alors, canon ou pétard ? Pétard. Le gros tata. La Marseillaise ou la Brabançonne ? Allez. Ouais, je vais dire l'inverse, comme il fait chez vous, là. Brabançonne, alors. La Brabançonne, parfait. Petit paquet ou grand paquet ? Oh, grand paquet. Grand paquet, à mon avis, oui. Grand paquet. Mannequin Pils, Mannequin Pils ou Carapils ? Mannequin Pils, alors. Ah, Mannequin Pils. Tu ne vois pas. L'autre, Alors, Kramik ou pistolet ? Pistolet. Les filles du bord de mer ou J'aime la vie ? Filles du bord de mer. Les filles du bord de mer, célèbre chanson d'Adamo reprise par Arnaud. Alors, en question pratique politicienne, politicarde de Belgique, Michel Dardenne ou Bart De Wever? Michel Dardenne. Hein, c'est Michel Dardenne, évidemment, la Pils, vous connaissez tous. Alors, évidemment, la grande question des festivals de l'été, c'est Doux ou Puckle Pop? Doux, apparemment, cette année, c'était une grande session. Bon, il y avait aussi le bonus, Doux ou Radio Holidays? Non, on va dire Doux. Doux, Puckle Pop ou Radio Holidays? Doux. Quel lâcheur. Dégagez. Et, bon, alors, la dernière question, là, c'est crucial, c'est Radio Panique ou FM Bruxelles? On va rester sur les bonnes ondes. Sur quoi? Sur les bonnes ondes. Les bonnes ondes du 105.4 FM. Ouais, wouh. On remercie le plagiat de la semaine. Alors ouais, c'est fini. C'est énorme. Bon, voilà, super. On touche donc à la fin de cette émission. Radio Holiday, c'était le volume 3. Nous sommes là tous les jeudis de 21h à 22h. Je tiens à remercier tout particulièrement le MC du jour, aka Chacha. MC de Pacotille, c'est moi-même. MC de Papanique. Et merci à vous, donc à Tamara, Madame Bière. Hubert, monsieur l'intervieweur de choc spécial d'aujourd'hui, Tortoli, le super DJ balanceur de son d'aujourd'hui, Damien à la technique et aussi quand même toute l'équipe du Recyclard, notamment l'équipe technique qui nous supporte parce qu'on est vraiment des gros lo-fi losers et donc merci à vous de nous supporter. Et en tout cas, le public, vous pourriez crier une bonne fois pour toutes pour nous montrer que vous étiez là ce soir avec nous. Et la semaine prochaine sera encore mieux. 1, 2, 3, on crie tous. Faites du bruit. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When our grandpa, when our daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, alright all da da da da da, settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Bonsoir, nous nous allons nous coucher. Bonsoir, nous allons les niquer. Et vice versa. Et vice versa.